Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Et 30 minutes passées. Bonjour tous à vous toutes. Voilà le retour de l'émission du mardi après-midi. Retour donc avec la musique et puis la musique de retour avec la pluie. Voilà donc pour vous, j'espère que tout s'est bien passé le début de semaine et puis donc j'espère que tout se passe aussi très bien. Et donc je suis avec vous jusqu'à 17h avec les chansons pour vous faire plaisir. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec le country. Et puis juste après le country, faire un petit tour du côté du folklore. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the alligator's knocking down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, We'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. We'll be walking in a winter wonderland. We'll be right back.

m'attendez pas. Ce soir, je sors, j'irai traîner, traîner dehors. M'attendez pas. Ce soir, je sors, j'irai trouver, trouver du réconfort. M'attendez pas. M'attendez pas. Radio Arc-en-Ciel. Voici les chansons portugaises et puis juste après la dance. Casar contigo, figueira, à noite o luar deita-se a teu lado a fazer ciúmes ao teu namorado. E a serra que te adora e deseja também sofre com a luz do sol que te abraça. Se te beija. quem tem comigo para bailar nesta batida que é tão especial. Temos que zomba para animar, juntando Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Together.

Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. I come from Alabama with my banjo on my knee. Thank you. Bambino. Et moi qui cherchais Orly, croyant trouver le paradis. Et malgré tout ce qu'on m'a dit, je regrettais mon Berry. Je ne serai jamais Parigot, car là-bas y'a pas le Merlot. Je ne prendrai jamais le métro, car les sièges me font mal au dos. Je préfère les petits ragots sur un comptoir de bistrot, et rentrer chez moi à vélo après deux ou trois petits pernos. J'ai rencontré à Bobino un type qu'on appelle Momo. Il m'a dit ne t'en fais pas, je peux faire quelque chose pour toi. Je m'en suis fait un poteau, ça m'a coûté 100 €. Je l'ai rincé toute la nuit, il m'a dit salut, merci. Je ne serai jamais Parigot, car là-bas y'a pas de Merlot. Je ne veux pas prendre le métro, car les sièges me font mal au dos. Je ne serai jamais Parigot, sur un comptoir de bistrot, et rentrer chez moi à vélo après deux ou trois petits verres d'eau. Je préfère les petits ragots sur un comptoir de bistrot, et rentrer chez moi à vélo après deux ou trois petits verres d'eau, après deux ou trois petits pernos, après deux ou trois petits pernos. Et puis on continue, et puis juste après la soule. Avec lui que je passerai la nuit. fin de semana pasado, celebramos el cumpleaños del rey del romance. Nació el 12 de septiembre de 1944 en Galveston, Texas, aunque tal vez... Il se levait à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, ha, c'est dans ma poche, ce petit mignon c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup. Des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un air bête. Il comprenait rien de malheureux. Il m'a dit l'air désolé. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé. Et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Je suis pas une mouche. Fais-moi mal. C'était guerre. Je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai donné tout le nom de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a remué aussi sec. Et il m'a dit, arrête ton char, tu prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler la serrure noire. Tu fais mal, Johnny, Johnny, Johnny. Avec le pied, tu fais mal. Il a remis sa petite chemise, son petit couplet, ses petits souliers. Il a descendu l'escalier en me laissant une épaule mise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus pleins de fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Let the music play on. Just to feel, I feel this misery is gone. the tender love we used to share. Olé, olé, olé. Mi café, olé, olé, olé. Por favor, échame un poco de tu café. Por favor, échame el son de mi mocaré. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Ay, nena, mi café. Ven, ven, ven.

see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Toko abimina lingwa lai bazali ko ela elo ko la coupe du monde tes amis aningi simboka o suki eko kitana moto tina mabenga o leki ya mami wa Tanzania na lulio onte abasi banso e samie samie. Balobi o baby si quartier e pa yo vanda kai. Ba voiture e kole kale kamindele na ba yindo. Ke zamie balobi tangole kakai. Matite pou mwa kaloko la mo pepe a kaina o. Miswe kongenga loko la sanza ya likolo. Ma belle zamie, ma belle zamie. Zami, zami, zami na lulion. Bonte ya basi banso e. Je t'adore, Zami. Toko abimina lingwa lai bazali ko ela elo ko la coupe du monde et amie aningi simboka o suki eko kitana moto tina mabekai leki ya mami wa Tanzania na lulio onte abasi banso e samie samie. lobio baby si quartier et pa yo vandakao. Ma voiture est collée calé kamindele na baindoe. Et ami et balobi tangole kakae. Ma titie pour moi kalokola mon pepe ya kainao. Mise kongenga lokola sanza ya likolo. Ma belle zamie, ma belle zamie. Zami, zami, zami na lulio. Onte ya basi basoe. Likambonini babo inga na bala yo zamie. Nazali pe moto na linga kalokola baninga nyonso. Kolinga e koma mana buku nini yo Bolo belangai Bongo na senga ntubela o Zami bolinga e kanginga ipe maho Mwaye nini Na lebela yondi zamiye Na baby awa Oh oh oh zamiye Bolinga e kanginga misolo kola Na belinde potio na dia o Kitoko iluta yo mingi balobi obota makaka yo moko Nalibumu ya mama Oh, oh, oh zamiye Zami bolinge kanginga imiso Nalondende Oh, oh, oh zamiye Mama abota yo zami ya solo aebi kobota mwana o oh, oh. Matiti na zoto loko na leopara aebi kobota mwana o oh. Alo poso ya minao, oh, oh, oh zanie, sindo tunelanga izanie, sindo bengele langa izanie, sandi bengele langa izanie, na baby awa, oh, oh, oh zanie. Arc-en-ciel. Não me contento, quero mais. Amor, eu

Voici donc du pop rock et juste après Douzouk. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Sur la terre, ces fleuves en cru ont vraiment tout mis tout par terre. J'aurais jamais cru pouvais faire tant de misère. Alors ouvre-toi, je serai toujours là pour toi. Ouvre-toi, les portes du bal n'attendront pas. Alors ouvre-toi, je serai toujours là pour toi. Mais ouvre-toi, je sais ça fait mal, mais un jour ça ira. Juste comme un père, bien entendu, tu voulais être sédentaire, mais j'y ai perdu. Tu sais, y'a que l'amour qui est beau sur la terre. Écoute ma prière. Ouvre-toi, ouvre-toi. Je serai toujours là pour toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Les portes du bal n'attendront pas. Alors ouvre-toi, ouvre-toi. Je serai toujours là pour toi. Mais ouvre-toi. Toi, ouvre-toi. Je sais, ça fait mal, mais un jour ça ira. Alors ouvre-toi, je serai toujours là pour toi. Ouvre-toi, les portes du bal n'attendront pas. Alors ouvre-toi, je serai toujours là pour toi. Mais ouvre-toi. Je sais, ça fait mal, mais un jour ça ira. Je suis d'accord.

non, je déconne. Il y a quelqu'un dans la maison? Chaque année, je y retournais. C'est ici que l'on s'est rencontrés. Pour danser, poser, c'est la fête. C'est là qu'il faut être cet été. Tout le monde est là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Du côté du créole. Yeah.

le temps de t'écrire une mélodie. En mille sourires, tiens, quand j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, tiens bon. Voici le rock qui suivit après du rock and roll. Send it out. Née dans le ghetto, avec frères et sœurs, et des parents qui voudraient qu'on s'en sorte. Un ascenseur bloqué, tagué, qui fait penser à une nature morte. Née dans le ghetto, pas dans un château, avec un décor technicolor. C'est gris au dehors, le ciel se couche et dort. Musique, toi tu viens le sauver, en martelant ton rap engagé. Musique, oh merci d'exister, tu es l'identité des cités. Né dans le ghetto, dealer toxico, alcoolo imbibé devant les portes. Lueur dans le noir, étincelle d'espoir, demain peut-être deviendra-t-il une star. C'est dans le ghetto, citoyen zéro, à tout prix il faudra bien qu'il s'en sorte. Cancer et télé, interview et tournée. Musique, t'es venu me sauver, en martelant ton rock éventé. Musique, oh merci d'exister, tu es l'identité. D'écouter d'autres chansons différentes, eh bien, voici donc eh bien, les titres des émissions, tout simplement. Pour ce soir, à partir tout simplement de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, et puis juste après un autre Christophe entre 21h et 23h. Et puis demain, à partir de 9h jusqu'à midi, nous sommes donc mercredi avec Victor, et puis en soirée entre 18h et 19h30 avec Violette. Et puis pour le jeudi matin, vous allez retrouver Armel Giraud entre 9h jusqu'à midi. Et puis en soirée, entre 18h et 20h, avec Chantal. Retour donc avec les chansons et voici donc les crooners, mais juste avant les crooners, on reste un petit peu avec le rock'n'roll. Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost.

chef d'honneur pour protéger mon cœur. Et si je t'ai choisi sans toutes ces a priori, c'est pour te faire confiance sans aucune influence. Dans ce monde plein d'erreurs où je cherche le bonheur, le temps est infini, souvent il détruit nos vies. Et si je t'ai choisi, c'est que l'amour je cherche aussi. Pas sans toi les méfiances, je n'ai aucune patience. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi le Seigneur. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi mon bonheur. Ma joie, ma bonne humeur, mes envies, mes lueurs. Je sais ton horreur, tu préfères ton ardeur. La fierté de ta vie, me présenter comme ton commis. Besoin de reconnaissance, c'est le reflet de ton essence. Et si parfois je prie pour que tu m'acceptes comme je suis, si tu pouvais comprendre, je suis amoureux tendre. Je ne sais plus qui je suis. Suis-je un déchet de la vie? C'est le reflet que je vois dans tes yeux et je te sens malheureux. Mais que dois-je faire pour te satisfaire? M'effacer? Me soumettre, mourir à petit feu. Je refuse de mourir. Je veux vivre et vivre. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi le Seigneur. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur. C'est pas toi mon bonheur, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie, c'est pas toi le meilleur, c'est pas toi le Seigneur, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie, c'est pas toi le meilleur, c'est pas toi mon bonheur. Arc-en-ciel. Voici donc le country, puis suivi après du pop. Down by Mr. Garfield been shot down, shot down, shot down. Mr. Garfield been shot down, whoa. Me and my brother was down close to the depot when I heard the report of a pistol. My brother run out and come back in all excited, and I said, what was it? And he said, it was a report of a pistol. And then he said, Mr. Garfield been shot down, shot down, shot down. Mr. Garfield been shot down low. Lord, I knew the president was supposed to be at the depot that day, and we just wouldn't believe that he is shot. But we run over there, and there were so many folks around that we couldn't see him, but some lady was standing there crying, and I said, ma'am, what was it that happened, ma'am? And she said, Mr. Garfield been shot down, shot down, shot down. Mr. Garfield been shot down low. Well, everybody drifted off towards home finally, and they looked like they felt about as bad as I did, but in a few weeks, I heard that the president was still alive, and I told my brother, I said, let's get on that train and go to where he's laid up hurt. Well, when we got to his big house up there, I asked the fella, I said, who was it that did it? Who was it that shot the president? And he said, it was Charlie Guiteau that shot Mr. Garfield. And I said, Charlie Guiteau done shot down a good man, good man. Charlie Guiteau done shot down a good man, low. I heard some fella there that had been in the house to see the president, and I sidled up to him to listen to what he was telling, and he said, Mrs. Lucretia Garfield was always at his side in the heat of the day, fanning him when he was hot. He said that just that day, the president said to Miss Lucretia, he said, Crete, honey, he called it Crete. He said, if something worse happens to me, after a while, you get yourself a good man. And Miss Lucretia said, James, she called him James. She said, I won't hear to that now. He said, I love you too much. But he said, you'll make some good man a good wife, good wife. You'll make some good, good, good wife. Don't put in single harness all your life, good gal. Don't put in single harness all your life. That's what he said, don't pull in single harness all your life. Well, a few days later, I come back to where the president was resting, and it seems everybody was crying. The flag was hanging halfway up the flagpole in front of the house, and everybody looked so sad. And I asked the soldier boy there, I said, is Mr. Garfield? And he said, yeah, he's gone. Gonna lay him in that cold, lonesome ground down low. Gonna lay him in that cold, lonesome ground. Well, they laid the president by that long, cold branch. Mr. Garfield been laid down low. Mr. Garfield's been shot down, has been shot down. Mr. Garfield's been shot down, been shot. Mr. Garfield's been shot down. Devant nous, nous entraîne n'importe où, et quelle route m'amènera vers toi que j'aime déjà. J'ai pris des sens à interdire, à des simples vers l'oubli. J'ai souvent fait demi-tour pour trouver cet amour. Dans l'impasse des regrets, je me suis promené. Dans la rue du bonheur, j'y ai laissé mon cœur. La route est parfois longue, les meilleurs de secondes. Je cherche le chemin qui effacera le tien. Alors j'avance. Oh, oh, oh, j'avance. Ta-ta-la-la-la-la-la. regard. Toi, tu existes vraiment. Et je sais que quelque part, c'est certain, tu m'attends. Juste en croisant ton regard, rien ne sera comme avant. Et ensemble, main dans la main, nous partirons demain. Dans la passe d'un gré, je me suis promené. Dans la rue du bonheur, j'y ai laissé mon cœur. La route est parfois longue, des milliards de secondes. Je cherche le chemin qui passera le tien. Alors j'avance. Chaque jour, chaque seconde, me rapproche de toi. Alors j'avance. Alors j'avance. Alors j'avance. Écriture, je traverserai le chemin des mots. Pour quelle aventure je récolterai les moissons qu'il faut. Un air de Chopin, de Rachmaninoff vibre dans mon âme, voir encore plus loin tout ce que nous offre l'espace et le calme. Afrique ma belle, ton souffle et ton rythme apaisent mon chant. Je cours de plus belle, j'explore l'intime et deviens vivant. Et sourire au cœur de l'humain et pouvoir t'offrir le pouvoir qui tient au creux de nos mains, au creux de nos mains, au creux de nos mains. La vie des chamans, guérisseurs d'esprit, dans la nuit des temps, les tambours s'enflamment, brasiers sous la pluie. Mélodie du vent, le jazz à tout va déchaîne mon corps. Depuis mon enfance, il me met en joie, j'aime ses accords. Manouga romance, pour vivre et sourire au cœur de l'humain et pouvoir t'offrir le pouvoir qui tient au creux de nos mains, au creux de nos mains, au creux de nos mains. Au creux de nos mains, j'observe l'amour qui brille ou s'éteint. Bel astre secret, il chante toujours, brûle mon refrain. Allez, viens danser. Pour quelle écriture je traverserai le chemin des mots? Pour quelle aventure je récolterai les moissons qu'il faut? Pour vivre et sourire au cœur de l'humain et pouvoir t'offrir le pouvoir qui tient au creux de nos mains, au creux de nos mains, au creux de nos mains, au creux de nos mains. Señorita, toujours prête. She's the woman that loves me so sad. Bebop and Lula, she's my baby. Bebop and Lula, I don't believe it. Bebop and Lula, she's my baby. Rama, baby, Rama, baby, Rama. A god that beat. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells, more, more, more, saying, Bebop and Lula, she is my baby. Bebop and Lula, I don't mean baby. Bebop and Lula, she's my baby. All my baby, all my baby, all my. said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance. Rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet, oh, the clap of my hands. I said the joint was rocking, going round and round, getting reeling and rocking, what a crazy sound. Suspect. And when the police knocked, those doors flew back. But they kept on rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Sing, go, marching, ooh, go, be

50 minutes, eh bien, l'émission touche à sa fin. C'est cette chanson-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour cette émission. Mais aussi pour, on se retrouvera vendredi, pareil, et puis dimanche. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Ça te prend vos télescopes sur ton fusil pour tirer sur un gros bug qui t'a surpris. Y'en a des mardeux qui ont été pigés pour avoir le permis de chasse pour tuer la vache. Mais sont pas chanceux de savoir tromper, tirer sur un panache devant le garde-chasse. Oh! Chasseurs pis chasseuses qui se font petite brosse dans le temps de la chasse. Ça arrive juste l'automne, les 10e mois de l'année, juste avant que Noël soit arrivé. Hey! On prend des filles et des gars, faire un tour dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer cinq gros bocs qui t'a surpris. On prend des pipes et des gants, faire un tour dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. Ça te prend mon télescope sur ton fusil pour tirer cinq gros bocs qui t'a surpris. Hey! Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22.

facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui. Hora certa, Nuno Rodrigues atualiza as notícias. Regresso logo depois para a terceira parte do Melhor de Portugal. Hoje é dia de Meus Direitos com Graça Cabral e Isabel Flora. Isabel, vamos falar de quem na edição de hoje? Hoje falamos do seguro de proteção ao crédito. Seguro de proteção ao crédito na edição de hoje dos Meus Direitos, para ouvir logo depois da primeira música das quatro.